come on, guitar. Fatigué déjà ? Faut que t'ailles prendre un peu de plasma. basse. Sacré sang, toi, hein, mon salaud. n'est pas d'accord. We'll be right back. allez, danse, Sharon, danse. Monte sur la table.

Plasma.